suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 23. Lektion 23. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les cas du datif et de l'accusatif, mais cette fois-ci en relation avec les différentes prépositions. Quelques prépositions sont toujours suivies du datif. Ce sont « aus de »,« zu »,« chez », »,« von de », »,« nos »,« après » et « mat » avec. D'autres prépositions sont toujours suivies par l'accusatif. Ce sont « oni »,« sans », »,« geint »,« contre », »,« durch », »,« à travers », »,« rundrum » ou « um » autour » et « für » pour ». Par contre, d'autres prépositions peuvent être suivies par un datif ou un accusatif. Ce sont « an »,« dans », »,« chez », »,« tschend » ou « tscht », »,« entre », »,« ivat » au-dessus »,« firun » ou « davrun » avant »,« bei » près »,« chez », »,« vida » contre », »,« unat » en dessous », »,« op » sur », »,« hanat » derrière, lanscht, le long, nirvent ou nirft, à côté de, un, o. Lorsqu'ils indiquent une place ou une position, ils sont toujours suivis par un datif. Ich sin am Kino, am Restaurant, an der Kitchen, am Gart, am Haus. Ich sie beim Metzler, chez le boucher. Ich sie vierundem ou tout court vom Haus. De Gart aus Hanat dem Haus. Lorsque les prépositions indiquent une direction ou un mouvement qui mène à un point d'arrivée, elles sont suivies par l'accusatif. Ich ging an de Kino, ich ging an de Restaurant, ich ging an de Kitchen, ich ging an de Gart, ich ging an de Haus. Ich ging Hanat Haus, ich ging Firund Haus, ich ging op de Märt, ich ging bei de Metzler, ich ging bei de Bäcker, ich ging an de Optikt. Par contre, les prépositions qui indiquent un mouvement ou une direction vue du point de départ sont toujours suivies par le datif. Ich komme aus dem Kino, aus dem Restaurant, aus der Kitchen, aus dem Gart, aus dem Haus. Ich komme vom Markt, vom Metzler, vom Bäcker, aus der Optik. On constate que de toute façon, toutes ces prépositions appartiennent à la catégorie des prépositions qui sont suivies d'un datif. Pour résumer, ich bin am Kino, ich ging an de Kino, ich komme aus dem Kino. Ich bin um Mord, ich ging op de Mord, ich komme vom Mord. Ich sitze op der Mauer, ich klamme op Mauer, ich sprang von der Mauer. Avec les noms géographiques, on n'entend pas la différence entre le datif et l'accusatif, à l'exception des quelques pays qui sont traités de féminin. Rappelez-vous de notre deuxième et troisième leçon. Ich wohne in Frankreich, zu Paris. Ich komme aus England, von Dover. Ich ging an England, ob Dover. Mais, ich wohne an der Belge, zu Brüssel. Ich ging an der Belge, ob Brüssel. Comme nous l'avons vu, nous pouvons utiliser parfois une forme plus courte pour une préposition avec l'article défini du nom masculin ou neutre dans le datif. Regardons encore une fois les contractions les plus fréquentes. Matem devient mam, mam auto, mam kant. Firundem devient frum, frum haus, frum gart. Nodem devient nom, nom kino, nom essen. Beidem devient beim. Beim Metzler, beim Bäcker. An dem devient am Kino, am Haus. Von dem devient vom, vom Gärt, vom Haus. Et ob dem devient um, um Mord, um dich.